C'est la chronique des castors de Dolbeau avec notre ami Daniel Tremblay. Salut Daniel. Salut Et Danny, oui, ça ça va va bien? bien, ça va bien. Daniel, en fait, semaine passée, c'était l'ouverture de la saison officielle. Ben, c'est toujours après la chasse, normalement, que ça se fait. Question, évidemment, qu'il y ait plus de monde possible qui assiste au match. Et il y avait aussi pas mal de monde. Apparemment que ça commence à paraître que vous gagnez, là. Écoute, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je te dirais que du côté local, c'était pratiquement plein. Du côté visiteur même, aller jusqu'à la moitié de la moitié de l'aréna, là, c'était quasiment plein également. Fait que c'était vraiment, mais vraiment intéressant pour les Ça joueurs. veut dire quoi, 300-400 personnes à peu près? Je suis pas capable Encore. d'évaluer. Je suis pas tellement bon là-dedans. OK. Je ne vais même pas donner de chiffres, je suis pas bon dans OK. ça. Les Marquis de Jonquière, en fait, la semaine passée, c'était vos visiteurs et c'était une belle victoire. Ça a été une victoire, belle victoire, c'est un autre chose parce que ça n'a pas été un match qui s'est déroulé à mon goût. Ça me désole un peu parfois parce que je trouve qu'on décolle souvent trop tard à jouer. On n'a jamais été dans le trouble, sauf que on aurait pu facilement tout régler en première période parce que les Marquis nous ont donné cette chance-là. Mais bon, on n'a pas pris on n'a pas sauté sur les occasions. Ça s'est quand même soldé par une victoire de 5 à 2. Mais écoute, l'allure du match, le pointeur n'indique nullement l'allure du OK. match. En fin de semaine, c'est un tournoi. Fait que vous allez en tournoi en fin de semaine, premier tournoi de l'année. C'est-tu dans le coin de Saint-Anselme? Normalement, c'est là que vous allez pas mal. C'est ainsi de l'année? Non, Saint-Anselme, c'est Saint-Anselme, je crois. Non, effectivement, non, c'est pas du tout dans le coin de Saint-Anselme. En fait, c'est vraiment sur l'autoroute 40 entre Trois-Rivières et OK. Québec. C'est Saint-Marc-des-Carrières. OK. Parce que par les années passées, c'est pas mal ces dates-ci de l'année que vous alliez à Saint-Anselme. C'est pour ça que je posais cette question-là. Donc, c'est la première Oui. année que vous y allez, ce tournoi-là? Oui, effectivement, parce que là, bon, et d'un, les joueurs, ceux que ça fait 3 ans, ça fait déjà 2 ans qu'ils allaient au même tournoi, ça devient un peu OK. redondant. Fait que les jeunes avaient manifesté le désir d'aller dans un autre tournoi. On a regardé les possibilités qu'il y avait. On voulait aller dans le secteur de Trois-Rivières, Shawinigan, ainsi de suite, mais il n'y avait plus de place déjà début septembre quand on OK. a pris la décision des tournois. Puis, donc, on va à Saint-Marc-des-Carrières. C'est un très beau tournoi. Il y a 12 équipes 2B. On quitte demain matin à 10 heures. Notre première partie est à 14 heures, 16 heures demain après-midi, puis 21 heures demain Oh, soir. c'est beaucoup de matchs, non, pour un peu de temps, parce que là, vous allez avoir le transport en plus de ça. Puis vous jouez deux matchs dans la même journée, c'est-tu trop? C'est correct? Ben, écoute, moi je pense que vois-tu, l'équipe qu'on va rencontrer à 16 heures demain après-midi, ça va être sa deuxième partie de la journée. OK. Donc, moi, j'équivaut que le transport et un match, ça s'équivaut. Le soir, ça va être également leur deuxième partie à l'autre équipe, mais je me souviens pas d'où ils viennent, là. Donc, je ne sais pas par rapport au trajet, par rapport, bon. Par contre, on se lève, on part à 10 heures demain matin. Fait que les jeunes vont quand même pouvoir dormir un peu plus tard demain matin. Puis non, moi je mets pas le. Non, ça va être égal pour chacune des équipes, OK. puis ce sera pas ça qui va être un facteur qui va faire la Au différence. classement POC, les équipes que vous allez affronter, ils sont classés où? Vous dites que vous regardez pas ça, puis vous faites pas ça, mais à quelque part, c'est comme le coach qui dit, l'instructeur du Canadien, puis le joueur du Canadien dit, on lit pas le journal, mais dans le fond, on sait très bien qu'ils le lisent. Fait que certainement, pour avoir une idée, vous avez dû certainement regarder au classement POC. C'est une idée, ça, Écoute, je peux te garantir que je n'ai pas regardé On au est tous à classement portée, POC. là. Par contre, il y a un de mes adjoints qui a regardé. Ouais. Donc, je comprends pas de menterie. Et les équipes qui sont au tournoi à Saint-Marc-des-Carrières, présentement, sont tous plus loin que nous au classement Fait que POC. vous avez des bonnes chances, là. C'est sûr que. Bon, en principe, oui, mais c'est OK, ça joue sur la glace. Puis, mais écoute, il y a une chose qui est claire, c'est que je vais tout faire à mon pouvoir pour revenir avec les grands Bon, honneurs. OK. Quand tu vas de même à des tournois comme ça à l'extérieur, est-ce que tu t'emmènes des joueurs affiliés de plus? Question qui arriverait des blessures? Écoute, cette année, on a 10 joueurs d'avant, puis j'ai 6 OK. défenseurs. Donc là, présentement, j'ai aucune suspension, j'ai aucune OK. blessure. Fait que non, je m'emmène personne parce que je suis capable de jouer avec quatre joueurs blessés avant de. À mon quatrième joueur blessé, là, j'aurais besoin de renfort. Fait qu'il faudrait vraiment que ça aille vraiment, vraiment pas bien pour que j'aie besoin de. En plus, que c'est un tournoi sur 3 jours. Fait que c'est plus court. Et les risques sont. En tout cas, moi, non, on n'amène aucun joueur affilié. C'est pas vrai, en fait. J'amène un gardien affilié parce que j'ai un gardien qui est à Como, il est commotion depuis 2 semaines. Fait que j'amène le gardien affilié du Midget A qui se débrouille extrêmement bien d'ailleurs. Bon, ben, Daniel, on va te souhaiter la meilleure des chances, puis on s'en parle jeudi prochain, puis on va en parler dans le bulletin de sport local pour savoir comment ça a été. Excellent, Danny. Voilà, Merci, au donc c'est revoir. l'instructeur chef des Castors, Daniel Tremblay.